pense à ce que j'ai et à ce que je pourrais perdre. Et je m'en tape de savoir ce que le sort nous réserve. Nos rancunes sont trop vieilles pour y mettre un terme. Mais l'orgueil ne nous apprend pas à être intègre. Je pense à ce que j'ai et à ce que je pourrais perdre. Et je m'en tape de savoir ce que le sort nous réserve. Nos rancunes sont trop vieilles pour y mettre un terme. Mais l'orgueil ne nous apprend pas à être intègre. Ils nous apprennent que personne n'est irremplaçable, à nous qui connaissons l'enfer sous différentes façades. Le destin n'est pas fait pour nous épargner. Si je ferme les yeux au combat, je les réouvrirai dans un charnier. Des larmes, il est écrit que j'en verserai à défendre ma cause ou celle d'un autre comme un mercenaire. J'apprendrai qu'il est temps que j'arrête de fuir. Et viendra ce moment où ceux qui m'aiment arrêteront de me suivre. On dirait que l'ambiance restera meurtrière. Ça ira peut-être mieux quand les hommes oublieront leurs griefs. Je ferai savoir que les fausses promesses me fatiguent. Et je ne serai chez moi nulle part tel un apatride. On verra bien comment cette histoire se termine. Je sais pertinemment qu'aucune erreur ne me sera permise. Ce monde n'a jamais pu me sentir depuis ma naissance. Mais il se rappellera d'un grand type aux paroles blessantes. Entre le doute et les nuits blanches, j'aurai pas le salut dans cette vie, mais je le trouverai dans la suivante. C'est pas ces porcs qui nous apprendront à faire nos disques, à nous qui avons cultivé l'avenir sur une terre maudite. On s'accroche à deux trois espoirs obsolètes. On oublie cette merde un mois par an sous un autre soleil. Y'a pas de morale à tout ça, ni de mauvais adage. Je donne dans le morbide comme si j'étais Gomez Adams. Le diable peut me traîner dans sa noirceur. J'y survivrai moi, je suis une armée à moi seul. La pénombre s'est installée dans ma poitrine. Je vais pas t'en dire trop, je ne veux pas que maman soit triste. C'est comme ça que nos vérités s'extirpent. Je dévoilerai la mienne au travers d'un CD 13 titres. Il est grand temps que ce merdier finisse. J'arrête une carrière fantôme avec un projet sinistre. Je pense à ce que j'ai et à ce que je pourrais perdre. Et je m'en tape de savoir ce que le sort nous réserve. Nos rancunes sont trop vieilles pour y mettre un terme. Mais l'orgueil ne nous apprend pas à être intègre. Je pense à ce que j'ai et à ce que je pourrais perdre. Et je m'en tape de savoir ce que le sort nous réserve. Nos rancunes sont trop vieilles pour y mettre un terme. Mais l'orgueil ne nous apprend pas à être intègre.